Qui a appelé ? Mon directeur ? Oui, je crois que c'est lui. Qui a appelé ? Ma fille ? Oui, je crois que c'est elle. Qui m'a cherché ? Mon mari ? Oui, je crois que c'est lui. Qui a apporté ces fleurs ? La voisine ? Oui, je crois que c'est elle. Qui a mangé les bonbons ? Les enfants ? Oui, je crois que ce sont eux.